Chapitre 5. Ombre de lune, esquive de plume, amour absolu. Elundril Shariakin, chevaucheuse de brume. Se déplacer à pied contrariait Bjorn et Maniel. Les deux colosses, gênés par leur poids et celui de leurs armes, soufflaient beaucoup et avaient perdu le sens de l'humour. Ils considéraient avec envie le chariot et le banc sur lequel était assis Maître Douaume, en maudissant leurs montures absentes. Peu après la pause de midi, Camille se rapprocha d'Edwin. « Alors, Ewilan, tu aiguises tes armes avant ton arrivée à la citadelle et ta rencontre avec Eleharil Morienval ? » s'enquit-il. « Inutile, je me sens capable de renverser des montagnes pour retrouver mes parents. » Au risque de paraître prétentieuse, ce n'est pas une sentinelle, aussi puissante soit-elle, qui m'effraie. Je n'en doute pas une seconde. Je crois qu'Eléa sait également à quoi s'en tenir. Il te faudra toutefois rester sur tes gardes. Elle haussa les épaules pour montrer le peu de cas qu'elle faisait de la menace, mais prit la précaution de se renseigner. Comment a-t-elle rejoint la citadelle ? Un pas sur le côté. Il y a au sommet de la forteresse une salle particulière appelée la Vigie, d'où l'on surveille les frontières de glace. Elle est suffisamment connue des sentinelles pour qu'elle puisse s'y transporter. Mais pourquoi la citadelle et pas ailleurs ? Douaume ne t'a rien expliqué ? Je n'étais guère réceptive ces derniers jours, s'excusa Camille. Je comprends. Avec l'ouverture des spires, l'armée a retrouvé le système de communication pour lequel œuvre Douaume. Chacun reçut ses consignes, notamment les sentinelles qui ne sont pas stupides au point de désobéir une deuxième fois. Elles ont gagné la citadelle pour participer à la bataille finale contre les Raïs. À cette heure, la victoire de l'Empire étant acquise, elles doivent avoir rejoint leur poste habituel un peu partout en Gwendalavir. Aux dernières nouvelles, il ne reste que les deux sentinelles de la citadelle, dont Eléa. Camille repoussa sa capuche. Le soleil brillait, clair, et l'effort de la marche lui procurait une agréable sensation de chaleur. Une chose m'intrigue. Qu'entends-tu par système de communication ? Ma foi, la poste ! Tu te... commença Camille. Elle perçut le rire qui dansait dans les yeux du maître d'armes. Comme tous les érudits de Gwendalavir, il possédait une solide connaissance de l'autre monde qu'il était en train d'utiliser pour se moquer d'elle. « Très malin !» railla-t-elle. « Mais je suis sérieuse, j'ai peut-être une idée !»« D'accord, Ewilan !» l'apaisa Edwin. « Ne te fâche pas, ce sont des dessinateurs qui acheminent les dépêches. » « Comment font-ils ? » « Le moyen le plus classique consiste à leur faire dessiner le message. » « Pourtant, ils ne savent pas où le destinataire se trouve. » « Non, bien sûr. Les messages arrivent dans des endroits définis à l'avance et sont ensuite transmis de manière classique. Les dessinateurs n'ont qu'à connaître la localisation exacte des bureaux de distribution. » « Je vois, et l'autre moyen ? » « Il est moins utilisé car le dessinateur doit monter plus haut dans les spires. » À un niveau tel que peu d'entre eux savent le faire. Et ceux qu'ils savent ont des préoccupations plus importantes que la livraison des messages. Dans ce cas, le dessinateur s'adresse directement à son correspondant. On réserve ce système aux courriers extrêmement urgents ou aux ordres de l'Empereur. Eleharil Morienval a procédé ainsi pour te contacter. Ne m'en demande pas davantage, n'y comprends rien. Camille le remercia et s'apprêtait à s'éloigner lorsqu'il la rappela. J'ai oublié de mentionner l'utilisation du chuchoteur, assez rare, tu la connais déjà. Tu as un curieux sourire. Manigancerais-tu quelque chose ? C'est encore trop confus pour que j'en parle. Comme tu veux, Ewilan. Camille l'observa. Depuis le retour d'Elana, Edwin était apaisé. L'éveil des sentinelles l'avait libéré d'un poids énorme, mais ce n'était qu'en présence de la jeune femme qu'il semblait vraiment heureux. Camille croisa les doigts pour qu'Elana s'en aperçoive et se promit, si ce n'était pas le cas, de lui en souffler un mot. Elle se préoccupa ensuite du stratagème qu'elle avait imaginé. Il lui fallait d'abord s'assurer qu'ils étaient sortis du Yatu. C'était le cas. Elle se glissa sans difficulté dans l'imagination. La suite s'avéra plus complexe. Envoyer un message différait totalement de ce qu'elle avait tenté jusqu'à présent. Et c'était réellement difficile. Elle réajusta en conséquence son avis sur le danger que représentait Eleharil Morienval. La sentinelle avait utilisé cette technique alors qu'elle était figée, ce qui impliquait une maîtrise extrêmement avancée de l'art du dessin. Il ne fallait pas la sous-estimer. Peu à peu, Ewilan saisit que la communication à distance requérait une idée précise du fonctionnement mental de celui qu'on voulait joindre. Cela rendait encore plus impressionnant le fait qu'Eléa, sans la connaître, ait réussi à la contacter. Sa propre tentative lui parut tout à coup fort présomptueuse. Elle s'acharna pourtant, se concentrant au maximum de ses possibilités. Soudain, le contact eut lieu. D'abord ténu, il se fit plus net, et Camille murmura. « Viens, ma belle, viens. Il n'y a plus de danger, tu peux revenir. Tu me manques beaucoup, tu sais. » En réponse, un joyeux hennissement résonna dans son esprit. Une exclamation satisfaite lui échappa, à la surprise de ses compagnons qui la dévisagèrent. « Tu as un problème ?» s'inquiéta Bjorn. « Au contraire, le facteur m'a apporté une bonne nouvelle. » Le chevalier la contempla comme si elle devenait folle, mais Edwin saisit l'allusion et fronça les sourcils. « Que complotes-tu ? Tu ne devines pas ? Non, et j'avoue que ça m'inquiète un peu. » « Tu comprendras bientôt. » assura Camille, un sourire énigmatique aux lèvres. Les chevaux les rejoignirent alors que le soleil se couchait presque. Aquarelle apparut la première, caracolant au sommet d'une colline arrondie. Les étalons arrivèrent peu après, suivis de Cocotte et Bourrichon. Seul Orti manquait à l'appel. Menés par la jument, les animaux trottèrent jusqu'à leur maître, qui les accueillirent avec des cris de joie. « Qu'est-ce que vous avez à hurler comme ça ? On dirait que vous n'avez jamais vu de chevaux de votre vie !» Ils se retournèrent d'un seul mouvement. Debout dans le chariot, Salim les regardait avec un air tellement ensommeillé qu'ils partirent d'un énorme éclat de rire. Puis, il bâilla longuement en s'étirant, ce qui renforça l'hilarité générale. Lorsque le calme fut revenu, Bjorn résuma parfaitement la vie de tous. « Bienvenue, mon garçon. Toi, endormi, nous étions bien tranquilles, mais je dois avouer que tu nous as manqués. »